Audiomatic. La transmission 208 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique du projet argentin Alt Air et la composition homonyme de son tout nouvel album EP intitulé Oriental. Comme à l'habitude, vous êtes accueillis par les électronistes pour une autre transmission d'Audiomatic consacrée à la musique dite électronique. Nous utiliserons les 60 minutes qui nous sont imparties pour vous proposer des pièces qui, selon notre humble avis, méritent votre attention. À chaque émission, nous sommes confrontés à cette limitation du temps qui nous pousse souvent à nous interroger sur ce qui dicte vraiment la durée d'une œuvre, quelle qu'elle soit. On pourrait, à raison, penser que la durée d'un film, d'une composition ou même le nombre de pages d'un roman ou les dimensions d'une toile ou d'une sculpture sont définies par la simple inspiration du créateur, par son désir de s'exprimer ou par le propos du sujet traité. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, la durée d'une œuvre est fortement liée aux capacités sensorielles et au degré d'attention du récepteur ou du destinataire. Si, par exemple, une pièce musicale durait littéralement une éternité, elle ne serait jamais entendue dans son entièreté et donc, elle ne serait jamais vraiment comprise, assimilée, appréciée à sa juste valeur. Voilà une des nombreuses réflexions qui ont sous-tendu la mise au monde par le compositeur américain Sufjan Stevens de cette pièce. All I want is the Don't be distracted. couldn't be at rest from what I liked, from what I gathered. I couldn't be at rest. Stupid man in the window. I couldn't be at rest. Yourself is it possible? Is it possible? Audiomatique, nous entendions la longue pièce Impossible Soul de l'artiste américain Sufjan Stevens, extraite de son album The Age of Odds. Sur cette pièce, on peut également entendre la voix de la chanteuse Shara Warden, qui a changé son nom pour Shara Nova après son divorce. Et elle, elle est derrière le projet My Brightest Diamond. Vous avez peut-être remarqué qu'Impossible Soul est composé de 5 segments et traite d'une relation amoureuse. Si on s'attarde aux paroles de chacune des 5 séquences, on pourrait même avancer que la chanson Impossible Soul nous présente les 5 étapes du deuil suivant une rupture amoureuse. On passe donc par le choc et le déni de la réalité, puis par la réaction de colère et de révolte face à la nouvelle situation. Ensuite, la phase de négociation afin de chercher à composer avec la nouvelle situation pour en venir à l'étape de réflexion et retour sur soi, et finalement, l'acceptation. À Audiomatique, la prochaine séquence sera également composée d'une seule longue pièce, cette fois issue d'une collaboration entre le pianiste jazz d'origine montréalaise Paul Blais et de la chanteuse et compositrice Annette Peacock. Cette collaboration s'est déroulée sur quelques années, au début des années 70, fin des années 60 aussi, et elle s'est matérialisée, cette collaboration, notamment sur l'album Droll Unity, duquel est tirée la pièce MJ que nous allons entendre. Cette époque des carrières de Paul Blais et d'Annette Peacock fut dédiée à l'exploration sonore. Dans la pièce que nous allons écouter, on remarquera d'ailleurs l'esprit free jazz qui prend forme à travers les expérimentations de Paul Blais au synthétiseur Moog. Thank you. to lie. And nothing's real. A dream and nothing. L'unique pièce que comportait cette séquence musicale est l'œuvre conjointe de Paul Blais et d'Annette Peacock. La pièce fut enregistrée en concert aux Pays-Bas le 26 mars 1971. Cette composition, qui se nomme MG, se retrouve sur l'album Dual Unity. La pièce qui conclura cette transmission d'audiomatique est également dans un registre expérimental. Dans ce cas-ci, ce sera la formation La Mecánica Popular qui nous interprétera sa vision de la cumbia péruvienne avec des sonorités électroniques et un côté résolument psychédélique. Nous entendrons la pièce El Ratero, enregistrée en concert et offerte gratuitement sur le profil Bandcamp de La Mecánica Popular. Soulignons au passage que cette formation composée de musiciens provenant de différents pays d'Amérique latine et basée à New York vient de sortir un nouvel album qui se nomme Rosa Cruz. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, lors de cette transmission 208 d'Audiomatic, et même si vous n'avez pas du tout apprécié, nous vous invitons à découvrir nos anciennes émissions en visitant nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Si par contre vous ne jurez que par le direct, sachez que nous serons de retour sur les ondes de C'est fou mercredi prochain à 17h pour animer la transmission 209 d'Audiomatic. Voici donc la Mecánica Popular et El Ratero. C'était Audiomatic avec les électronistes. We'll be right back.